du parc Monceau, qu'il faut marier Marie Maran avec Monsieur Durand. Ce n'est pas parce qu'il a trois voitures de bateau et qu'on n'a pas fini de payer notre vélo qu'il faut marier Marie Maran avec Monsieur Durand. Ce n'est pas parce qu'il est Je sais que c'est un bel homme comme toi, tu en rêvais. Avant de connaître papa, un soir de 14 juillet, je sais que c'est un parti.